les Ghazwas et les Sariyas entre la bataille d'Uhud et celle des coalisés. La tragédie d'Uhud eut des conséquences désastreuses sur la crédibilité et la réputation militaire des musulmans. Leur dignité et leur puissance en trouvèrent affaiblies. Des foyers de troubles virent alors le jour à la fois à Médine et dans sa région. Les juifs, les hypocrites et les bédouins déclarèrent publiquement leur hostilité aux musulmans et chacune de ces factions n'eut de cesse d'attaquer la société musulmane naissante. Presque deux mois après la bataille d'Uhud, les Banu Asad firent des préparatifs en vue d'attaquer Médine et les tribus de Oudal et de Qara conspirèrent contre les musulmans au mois de Safar de l'an 4 de l'Hégire, tuant 10 des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Les Banu Amir massacrèrent 70 compagnons au puits de Ma'ouna. C'est également durant cette période que les Banu Nadir commencèrent à afficher leur inimitié à l'égard des musulmans. Ils essayèrent même d'attenter à la vie du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam au mois de Rabi'ul Awwal de l'an 4 de l'Hégire. Par ailleurs, Médine faillit être attaquée par les Banu Ratafan au mois de Jumad al-Oula de l'an 4 de l'Hégire. Les musulmans étaient donc devenus une cible privilégiée après Uhud. Muhammad alayhi salatu wassalam parvint cependant, grâce à sa sagesse, à tenir en échec ses courants hostiles, et même à redorer le blason des musulmans en acquérant une gloire nouvelle. La première initiative prise dans cette perspective fut la poursuite des Mekwa, c'est-à-dire l'expédition de Hamra al-Assad, par laquelle il endigua le déclin de la réputation militaire des musulmans. Il réussit de nouveau, par quelques manœuvres, à inspirer la peur à ses ennemis et à restaurer le prestige de ses compagnons à un degré tel que cela stupéfia à la fois les juifs et les hypocrites. La Sariya, conduite par Abu Salama. Les premiers à prendre les armes contre les musulmans après Uhud furent les Banu Asad ibn Khuzayma. Les Médinois musulmans chargés des renseignements rapportèrent que Talha et Salama, tous deux fils de Khuwaylid, incitaient notamment leur peuple à combattre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wassalam leur envoya sans tarder un détachement de 150 combattants, Ansar et Muhajirun confondus, avec à leur tête Abu Salama. Les musulmans prirent de court les Banu Asad ibn Khuzayma et les attaquèrent sur leur propre territoire, faisant ainsi échouer leur tentative de raid. Ils les dispersèrent et se saisirent de leur bétail. Sur le chemin du retour, Abu Salama vit sa blessure contractée à la bataille d'Uhud s'infecter gravement, et il mourut peu de temps après. Cette expédition eut lieu le premier jour du mois de Muharram de l'an 4 de l'Hégire. Abdullah ibn Unais est chargé d'aller tuer Khalid ibn Sufyan al-Hudhali. Le 5 du même mois de Muharram de l'an 4 de l'Hégire, une information selon laquelle Khalid ibn Sufyan al-Hudhali rassemblait des partisans pour attaquer les positions musulmanes parvint à Médine. Sur ordre du prophète alayhi salatu wassalam, Abdullah ibn Unais partit pour supprimer cet ennemi déclaré. Il s'acquitta brillamment de cette tâche et revint à Médine 18 jours après son départ, 7 jours avant la fin de Muharram. En guise de récompense, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fit cadeau d'un bâton en disant « Cela sera un signe entre toi et moi le jour de la résurrection. » Sur son lit de mort, Abdullah demanda que ce bâton soit placé dans son linceul. L'événement d'Ar-Raji. Au mois de Safar de l'an 4 de l'Hégire, une délégation de représentants des tribus de Oudal et de Qara vint à Médine demander au prophète alayhi salatu wassalam de leur envoyer des compagnons pour leur enseigner l'islam, prétendant qu'il y avait des musulmans en leur sein. Il dépêcha alors 6 compagnons, ou 10 d'après une autre version, commandés par Marthad ibn Abi Marthad al-Ghanawi, ou selon al-Bukhari, Asim ibn Thabit, le grand-père de Asim ibn Omar ibn al-Khattab. Lorsqu'ils eurent atteint Ar-Raji, entre Rabir et Jadda, une centaine d'archers du clan des Banu Lihyan les encerclèrent et les attaquèrent. Les musulmans se réfugièrent sur une élévation de terrain et les bédouins leur promirent de ne pas les tuer s'ils acceptaient de descendre. Asim n'eut pas confiance et un combat s'engagea. Il ne cessa qu'avec la mort de Asim et de 6 de ses compagnons. 3 musulmans restèrent en vie, dont Khubayb et Zayd ibn Dathinna. Une fois de plus, les Bédouins leur proposèrent de leur laisser la vie sauve en échange de l'arrêt des combats. Mais lorsqu'ils descendirent, les Bédouins les capturèrent. Ils avaient usé d'un procédé déloyal, et le troisième homme leur reprocha leur félonie et tenta de s'opposer à eux. Ils le tuèrent. Les 2 autres musulmans avaient tué des notables Qurayshites à Badr, c'est pourquoi ils furent emmenés à la Mecque où ils furent vendus. Le premier de ces deux hommes, Khoubayb, fut détenu quelque temps, puis les Quraychites décidèrent à l'unanimité de le crucifier. Il fut alors conduit en dehors du territoire sacré, à At-Tan'im. Il sollicita de pouvoir effectuer une prière de 2 raka'a avant son exécution. Après le salut final de cette prière, il se retourna vers ses bourreaux et dit « Si je n'avais pas craint que vous soyez enclin à penser que j'ai peur de la mort, j'aurais consacré plus de temps à ma prière. » C'est Khoubayb qui, le premier, instaura la tradition de prier 2 raka'a avant d'être exécuté. Il dit alors « Ô Seigneur, compte-les un par un et extermine-les jusqu'au dernier. » Puis il récita ces vers « Les coalisés ont rassemblé les membres de leur tribu autour de moi, et ils ont fait venir tous ceux qui pouvaient se déplacer. Ils ont rassemblé femmes et enfants, je suis attaché solidement à un arbre élevé. À Dieu seul j'exprime mon dépaysement et mon affliction, et me plains de ce que les coalisés, à l'instant de ma mort, m'ont préparé. Seigneur du trône sublime, accorde-moi d'être endurant face à leurs desseins. Ils ont coupé ma chair, morceau par morceau, et m'ont refusé toute nourriture. Ils me proposèrent de trahir, mais la mort est préférable. Je pleure sans larmes versées. Par Allah, je ne crains pas de mourir si je meurs musulman. Et je ne me soucie pas de la façon dont je meurs pour Allah. C'est pour Allah qui, s'il veut, bénira mes membres déchirés et mes articulations brisées. » Abu Sofyan s'adressa alors à lui en ces termes. « Ne souhaiterais-tu pas que Muhammad soit ici à ta place, afin que nous lui tranchions la tête et que tu sois plutôt aux côtés de ta famille ?» Khoubayb répondit « Par Allah, je n'aimerais pas être parmi les miens si pour cela Muhammad devait être piqué par une simple épine. » Les chefs Quraychites ordonnèrent alors à Utba ibn al-Harith, dont le père avait été tué par Khoubayb lui-même, de le tuer. Ils désignèrent aussi quelqu'un pour garder son cadavre crucifié. Amr ibn Umayya ad-Damri parvint à emmener le corps en cachette pendant la nuit afin de l'enterrer. Plus tard, il fut rapporté que peu de temps avant sa crucifixion, Khoubayb fut aperçu mangeant une grappe de raisin, alors qu'à cette époque, il n'y avait pas de fruits disponibles à la Mecque. En fait, il s'agissait d'une subsistance qui lui avait été accordée par Allah. Safwan ibn Umayya racheta le second homme, Zayd ibn Dathinna, et le tua pour venger la mort de son père. Les Quraychites envoyèrent quelqu'un pour rapporter un morceau du cadavre de Asim, qui avait tué l'un de leurs notables lors de la bataille de Badr. Mais à leur grande déception, son corps était inaccessible à cause de la présence d'un important essaim de frelons qui le protégeait contre toute atteinte. Asim avait supplié Allah de sauvegarder l'intégrité de son corps contre toute mutilation de la part des polythéistes et de lui épargner tout contact physique avec eux. Omar ibn al-Khattab, en apprenant cette nouvelle, s'exclama « En vérité, Allah protège le serviteur croyant après la mort, tout comme il le fait de son vivant. »